Star Bros. Merde ta musique. Barberousse. L'exécuteur. S'il fallait que je me décrive en quelques mots, vous direz cran rouge, schizo. Cri tête de mort, rime sans trou, ciseaux. Crew, crime, poésie, Mike châtiment. Taf comme on taf à l'usine, donc je suis dark chaque dimanche. Faut que t'en rajoute d'autres, chien racking sous. Casque intégral, balle pour brigade de flics sous. Mélodie d'un Glock 30, shit enfer, crise de manque. Appelle-moi Foxtrot uniforme, mais en fait, qui me demande? J'suis pas un cadeau si j'me marre parfois. Au fond, j'suis qu'un tabos, vous êtes entassé de la barbaque froide. Ne me parlez pas de ma voix, j'suis une amérante. Ne me parlez pas de mes rentes, ça me dérange. Quoi faire quand on carre ma foi? Clayade, la glace, un pastaga. Bienvenue dans mon paradis, mais rentrez-y avec tes masques à gaz. Un fumigène de poumon noir qui m'écrase tout si je marche vers la mort. Et tous mes joints connaissent nos raccourcis. Les rues de Belgrade aussi, on y creuse vite, ça tombe. Donc j'bois, fume, supporte à la mémoire de Pristaton. C'est tout ce qui me baisse, qui me blesse de vie. Mais fais-le vite, prends de bouger. Chaque jour j'brûle ce qui me reste de vie. Appelle-moi le bubar, mes thèses. Développe la tristesse, à kiff, dédie la plupart de mes textes. À mon gros toxine, SEMDO. À ma roulotte aussi, j'suis nostalgique à ceux qui viennent des hauts. J'ai rien de la figure sainte. Pourtant j'm'allume des cierges, mais je l'ai plein d'à 2,5 grammes. Et forcément ma tête saute. Ça m'est dégâts, mais partir plus tôt que les autres, ça m'est égal. Appelle-moi l'animal sali. Une plume unique, je dis ce que j'ai à dire pendant que le cannibale salive. Et comme c'était porte, veut rien savoir, mais veut part dans la mêle. En fait, je suis le coq, je me casse la voile et deux pattes dans la merde. Rime et mon globine, qu'est-ce t'en dis? Pensais-tu qu'on puisse se vider de son sang avec un tel standy? Rap, roulette russe, dis-leur que t'as vécu, mais ne leur laisse pas mettre trop balle si on ne meurt qu'avec une. Et c'est la bonne, celle du pirate, c'est l'album. Et un peu comme soulever la tonne, ça relève du miracle. De le voir dans les bacs à Paris, c'est sale tarif. Espérer s'étendre la joue pour que la claque arrive. Appelle-moi le PG, toi, te sens du sein. Moi, je pense qu'à baiser, c'est forcément que descend du sein. Et je suis pas seul, un violon grave, kick snare, basse. Tu veux partir pour un monde où tout est grave, et je suis le passeur. Allons, je t'embarque, appelle-moi l'aigle. Garçon, si je perds la tête, prends tous mes 7 chansons, rappelle-moi l'air. Amène-moi loin d'ici, en visu, j'ai déjà décidé comment faire ma double tour, je suis un tueur qui a rien dissipe. Élevé dans les bras de Troyenne, donc je vais paver, foutre le bordel dans la salle et dans les boîtes crâniennes. Si je suis ni la pute, que le max salue. Si je suis ni bon ni le truand, c'est que je suis la brute quand le mic salue. Oh, oh, fuite du cap, je crée l'incendie, place du cap. Bienvenue dans mon paradis, mais ne descendez pas du cas. Sauvage, je vous l'accorde, donc j'irai appris à mordre. Je voulais simplement m'amuser sur la prod, mais j'ai rempli la mort. Mec, me laissez le mic, ça serait la guerre civile. Mais dis pas non, ça pourrait te plaire si vite. Tu fuis la peste, mais tu frappes à ma porte, donc ton guide te m'en cesse de me regarder tristement et dis-moi qui me demande.